En descendant, moteur ralenti sur San Julian, Fabien se sentit là. Tout ce qui fait douce la vie des hommes grandissait vers lui. Leur maison, leur petit café, les arbres de leur promenade. Ce village minuscule, il l'eût accepté. Après avoir choisi, on se contente du hasard de son existence et on peut l'aimer. Il vous borne, comme l'amour. Fabien eût désiré vivre ici longtemps, prendre sa part ici d'éternité, car les petites villes où il vivait une heure et les jardins clos de vieux murs qu'il traversait lui semblaient éternels, de durer en dehors de lui. Et le village montait vers l'équipage et vers lui s'ouvrait. Et Fabien pensait aux amitiés, aux filles tendres, à l'intimité des nappes blanches, à tout ce qui, lentement, s'apprivoise pour l'éternité. Et le village coulait déjà au ras des ailes, étalant le mystère de ces jardins fermés que leurs murs ne protégeaient plus. Mais Fabien, ayant atterri, sut qu'il n'avait rien vu, sinon le mouvement lent de quelques hommes parmi leurs pierres. Ce village défendait, par sa seule immobilité, le secret de ses passions. Ce village refusait sa douceur. Il eût fallu renoncer à l'action pour la conquérir. Quand les 10 minutes d'escale furent écoulées, Fabien dut repartir. « Je ne vois plus les cadrans. J'allume. » Il tapota le tableau de distribution électrique, toucha les contacts un à un, remua un peu, s'adoussa mieux et chercha la position la meilleure pour bien sentir les balancements des 5 tonnes de métal qu'une nuit mouvante épaulait. Puis il tâtonna, poussa en place sa lampe de secours, l'abandonna, la retrouva, s'assura qu'elle ne glissait pas, la quitta de nouveau pour tapoter chaque manette, les joindre à coup sûr, instruire ses doigts pour un monde d'aveugles. Puis, quand ses doigts le connurent bien, il se permit d'allumer une lampe, d'orner sa carlingue d'instruments précis, et surveilla, sur les cadrans seuls, son entrée dans la nuit, comme une plongée. Puis, comme rien ne vacillait, ni ne vibrait, ni ne tremblait, et que demeurait fixe son gyroscope, son altimètre et le régime du moteur, il s'étira un peu, appuya sa nuque au cuir du siège et commença cette profonde méditation du vol où l'on savoure une espérance inexplicable.